les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1974, était programmé à l'Odéon un cycle Racine qui débutait avec Andromaque dans une mise en scène de Jean-Paul Roussillon, interprétée par les comédiens de la Comédie française. Andromaque, mais seulement les deux premiers actes. Racine à l'Odéon, mais au Petit Odéon, la très très petite salle du théâtre, devenue depuis le Salon Roger Blin. Pour mieux lancer le débat, c'était en s'étonnant du peu d'espace accordé là à notre grand dramaturge que Guy Dumur ouvrait son émission Mise en scène consacrée à ce cycle Racine. Avec Jean-Paul Roussillon était invité Jean Gilibert qui, après le sociétaire du Français, proposait lui une mise en scène de Bajazé et la comédienne Michèle Opneau qui, dans cette programmation racinienne, allait être Phèdre dans une mise en scène de Michel Hermont. Autre invité de cette émission, Roland Barthes, qui avait publié une dizaine d'années auparavant, sur Racine, un ouvrage réunissant trois études, l'homme racinien, dire Racine et histoire ou littérature à propos de Racine. En ce milieu des années 70, autour du micro de Guy Dumur, la discussion s'engageait autour de questions comme « Racine fait-il peur ? Pourquoi est-il si peu joué à la Comédie française ? Comment le mettre en scène ? Comment le jouer ? Comment dire ces vers et comment les entendre, ou encore celle de la modernité de Racine. Mise en scène, cycle Racine au Petit Odéon, une émission de Guy Dumur, diffusée la première fois le 10 février 1974 sur France Culture. Station racinienne au Petit Odéon, qui a commencé déjà le mois dernier, le 9 janvier exactement, avec des fragments d'Andromaque mis en scène par Jean-Paul Roussillon. Et vont suivre, à partir du 13 février, un Bajazé, mis en scène par Jean Gilibert, et ensuite, le 20 mars, un Phèdre, mis en scène par Michel Hermont. Si j'ai tenu à consacrer cette émission de mise en scène à Racine, c'est parce qu'il me semble que Racine pose des problèmes de mise en scène, justement, très, très particuliers, et que nous n'avons pas tellement l'occasion de voir des représentations de celui qui est pourtant l'auteur le plus célèbre, probablement, de toute la littérature française. Il est assez curieux que l'on ait choisi le Petit Odéon, dont ce n'est un secret pour personne que la direction de l'Odéon, du Grand et du Petit, est confiée à Pierre Dux, par ailleurs administrateur de la Comédie française. Eh bien, il est assez curieux que l'on ait choisi une des plus petites salles, sinon la plus petite salle de Paris, pour représenter un auteur aussi célèbre. Et j'ai réuni aujourd'hui autour de ce micro les principaux responsables de ce cycle racinien, à savoir Jean-Paul Roussillon lui-même, Jean Gilibert, qui, comme je vous l'ai dit, va mettre en scène Bajazé, et puis Michèle Opneau, qui, elle, n'est pas metteur en scène, mais qui remplace Michel Hermont, qui malheureusement n'a pas pu venir parce qu'il tourne un film en ce moment. Mais Michèle Opneau est chargée d'une responsabilité écrasante puisqu'elle va jouer le rôle de Phèdre, qui est tout de même, comme on le sait, un des plus grands rôles du répertoire. Et je m'empresse de dire, enfin nous le verrons tout à l'heure, que Michèle Opneau n'était pas a priori préparée à ce rôle qu'elle a joué. C'est une très très grande actrice, mais qui a joué dans des rôles et surtout des mises en scène qui ne laissaient pas présager qu'un jour elle jouerait Racine. Alors je suis particulièrement heureux de l'accueillir. Et Roland Barthes, qui est en particulier l'auteur d'un livre sur Racine publié il y a 10 ans et qui à l'époque avait provoqué, avait fait beaucoup de bruit puisqu'il avait provoqué la colère des raciniens traditionnels, mais si je l'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'il a beaucoup à dire, qu'il est certainement un de ceux qui a le plus à dire sur la façon de comprendre Racine et de le représenter. Jean-Paul Roussillon, puisque j'ai attaqué par ce problème de la représentation de Racine dans un théâtre auquel vous appartenez, c'est-à-dire la Comédie française, qui est quand même le grand conservatoire des chefs-d'œuvre du français, est-ce que, je ne veux pas sans trop vous engager, bien sûr vous n'êtes pas l'administrateur du français, vous n'êtes pas responsable de tous les programmes du français, mais tout de même, Pourquoi est-ce qu'on joue si peu souvent Racine à la Comédie Française? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Une idée personnelle, non. Je peux simplement risquer de faire des réflexions, essayer, comme beaucoup de gens, de me demander pourquoi. Je crois, premièrement, que c'est un théâtre bien difficile. Je crois que la Comédie Française est un cadre quand même excessivement important. Je crois que ça fait peut-être un petit peu peur. La tragédie n'est peut-être pas une chose très commerciale. Enfin, il y a peut-être des tas de raisons qui font ça, mais je crois qu'avant tout, c'est une question d'essayer d'arriver à retrouver un style et d'essayer de retrouver des acteurs qui n'auraient pas peur d'affronter ces choses-là, de ne pas être toujours avec l'ombre permanente de grands tragédiens qui sont passés et de dire il faut mesurer 2,15 m pour jouer la tragédie, pouvoir dire 25 vers d'affilée. Nous sommes au milieu des bustes de Mounet Sully, Paul Mounet, et tout ça crée peut-être un léger traumatisme de la part de tout le monde et une certaine crainte. Il semblerait donc que les comédiens, maintenant, que les jeunes comédiens ne soient pas prêts à jouer la tragédie. Or, la représentation que vous donnez en ce moment d'Andromaque au Petit Odéon prouverait le contraire, prouverait que parmi vos jeunes camarades, qu'il y en a qui sont tout à fait capables de jouer la tragédie. Néanmoins, vous n'avez réussi à nous donner que 2 actes d'Andromaque. Alors là, c'est seulement quoi, des conditions matérielles Bien, je veux dire, il y a des conditions matérielles qui rentrent en jeu parce que Jean-Pierre Miquel a autorisé. Jean-Pierre si Miquel, qui est directeur de l'Odéon. Qui est directeur de l'Odéon, a autorisé cette expérience. C'est-à-dire, je pense que pour nous, ça n'est avant tout qu'une expérience que Jean-Pierre Miquel a essayé d'expliquer, je pense, dans son petit livre et même dans le programme. Oui. Et ensuite, la Comédie Française ne pouvait pas faire autre chose qu'une expérience, j'entends dans le cadre du Petit Odéon, parce que ses activités et sa troupe, qui n'est pas assez nombreuse, si vous voulez, pour remplir autant de théâtre, doit jouer le soir. Il y a donc des impératifs d'horaire. Je dois jouer le soir et je dois jouer des fois aussi en matinée, dont certains des camarades sont dans les spectacles. Il y a donc un horaire où nous pouvons jouer au Petit Odéon pendant 1h10 ou 1h15. Ça paraît tout de même encore une fois surprenant qu'on prenne tant de précautions à la Comédie Française pour jouer Racine. Car après tout, pourquoi tout de même on vous connaît à la Comédie Française, vous y êtes depuis de nombreuses années, vous avez fait des mises en scène tout à fait remarquables, et je pense principalement à vos mises en scène de Molière, à Lavare, à Georges Dandin, et on ne voit pas pourquoi on ne vous a pas fait entièrement confiance et pourquoi ça n'est pas sur la grande scène du Français que vous auriez mis en scène Andromaque. Oh ben vous savez, c'est très difficile parce que l'expérience que nous essayons que nous avons essayé de tenter avec les acteurs est aussi une expérience, si vous le voulez bien, pour moi aussi. Parce que, comme c'est le sujet, je crois, un petit peu de cette conversation, il y a la mise en scène avec Racine, je crois que c'est aussi un problème. Je ne peux pas dire que je peux aller dans une chose avec une sûreté évidente. Et personnellement, je préfère risquer de faire mes premiers pas, qui sont peut-être les derniers aussi, je veux dire, c'est aux gens de juger, mais je crois que j'avais besoin aussi de cette expérience. Je souhaitais la faire, quand on me l'a proposé, je souhaitais la faire par amour de ces textes, de la lecture et des souvenirs de certaines représentations ou de certains acteurs que j'ai eus, mais je ne sais pas si je suis apte. Je crois de toute façon que vous êtes beaucoup trop modeste, mais je voudrais continuer quand même à poser ma question, parce qu'il me semble que c'est celle auquel on s'attend, on attend une réponse à cette question. Je vais la poser peut-être à Roland Barthes, à Jean Gilibert ou même à Michel Opneau. Est-ce que vous croyez les uns et les autres, parce qu'on est obligé de la constater, qu'il y a une crainte de représenter Racine? Est-ce que vous n'êtes pas frappé tout de même de cela, Roland Barthes? Oui, ça, je suis persuadé qu'il y a une crainte de représenter Racine. Il y a 10 ans, pour parler un langage actuel, il y a un énorme surmoi racinien, à la fois dans la culture française et sur le théâtre français. Et donc, il faut de toute évidence beaucoup de courage, parfois même peut-être un peu d'inconscience, pour secouer ce surmoi. Je veux dire que Racine est un auteur qui est pris dans un tel mythe. Il y a un tel mythe racinien dans la culture française. Racine a tellement alimenté je dirais, tout l'apprentissage de tous les jeunes Français à l'école ou au lycée. Il a fait l'objet de tellement de dissertations, de tellement de commentaires professoraux. Il est passé à la fois pour, disons, l'exemple le plus pur de ce qu'on appelle mythologiquement la clarté française et aussi la psychologie des passions. Bref, il est pris dans une sorte de, comment dirais-je, de loi culturelle extrêmement forte. Par conséquent, secouer cette loi et la secouer sans trop de gratuité, d'une façon qui ne soit pas purement subversive facilement, je pense que c'est en effet une entreprise difficile, c'est certain. Il est très difficile de monter un spectacle sans avoir présent dans le travail contre quoi on lutte. Et là, on lutte contre une tradition, contre un passé, contre un poids de la loi culturelle qui est extrêmement fort. Cela dit, moi je crois, je ne sais pas, disons, si la décision, je me pense ici au spectacle de Jean-Paul Roussillon que j'ai vu, si la décision de jouer seulement deux actes de Racine, si c'est une décision purement contingente, qui tient à des circonstances extérieures, ou si au contraire, disons, c'est un peu un choix de votre part, mais si c'était un choix, je dirais que je vous défendrais tout à fait. Non pas du tout que je pense qu'on doive toujours jouer seulement des fragments de Racine, mais je veux dire qu'on peut très bien concevoir que Racine est une sorte d'auteur que maintenant nous pouvons consommer d'une façon en quelque sorte anthologique et sélective. Racine, cela peut se jouer un peu comme de la musique de chambre. Eh bien, je dirais que ça peut se jouer aussi un peu comme un oratorio. Et au fond, on admettrait bien d'entendre seulement la première partie du Messie de Handel. Eh bien, de la même façon, on peut très bien admettre d'entendre uniquement deux actes d'Andromaque, n'est-ce pas ? Au fond, l'histoire d'Andromaque, il n'y a aucun suspense. On sait comment ça finit, tout le monde sait comment ça finit. Par conséquent, l'intérêt et l'investissement dans la pièce portent évidemment sur autre chose que sur l'issue de l'histoire. Par conséquent, moi j'admets très très bien qu'on représente des fragments de Racine. Malgré tout, à la Comédie-Française, par exemple, Molière, jouit aussi d'un prestige culturel, et ça n'empêche pas la Comédie-Française de monter Molière, ou de temps en temps Corneille. Quelqu'un comme Molière, si vous voulez, le texte de Molière comporte une sorte d'énergie, de force qui va de soi-même contre la loi, parce que c'est un texte comique, n'est-ce pas ? Tandis que pour Racine, il est évidemment beaucoup plus difficile de récupérer les contenus raciniens. Et là, je crois qu'il faut être très lucide. Je suis persuadé, par exemple, que la façon dont la jeunesse, mettons le mot entre guillemets si vous voulez, mais la façon dont la jeunesse vit actuellement les rapports amoureux ou passionnels ne coïncident pas du tout probablement avec la façon dont Racine les a décrits. Mais vous croyez qu'ils coïncident mieux avec Shakespeare, par exemple ? Oui, parce que dans Shakespeare, il y a, disons, ce qu'on appelle grossièrement une sorte de baroque, de logique débordante, de verbalisme aussi, qui fait que une époque qui tout de même finalement n'aime pas le classique s'y retrouve plus facilement, peut-être. Enfin, c'est une hypothèse. Jean Gilibert, vous êtes une espèce de, si je puis dire, de franc-tireur du théâtre, c'est-à-dire que vous avez eu une carrière multiple, puisque vous êtes non seulement homme de théâtre, mais que vous êtes médecin, et qui plus est maintenant psychanalyste, que donc vous avez des moyens d'aborder le théâtre qui sont différents des hommes de théâtre. Or, il se trouve que vous avez déjà monté, justement, Racine. Et est-ce que vous éprouvez devant lui les mêmes, je dirais, les mêmes interdits, les mêmes inhibitions que semblent éprouver les autres hommes de théâtre ? Non, parce que je suis plus démuni, en fin de compte, que les hommes de théâtre au sens habituel et rituel du mot. Mais je voudrais revenir en arrière, si vous me le permettez. Alors, m'est souvenu, pendant que je vous écoutais, d'une conversation que j'ai eue avec Marguerite Moreno. Je n'aime pas faire parler les morts, mais je vais vous dire pourquoi. Je veux citer cette anecdote. Il se trouve que je figurais dans La Folle de Chaillot et que je bavardais avec Marguerite Moreno et que je m'occupais un peu d'elle. Et elle me racontait qu'elle avait joué beaucoup Racine, vers 1900, avec Sarah Bernhardt, entre autres, et qu'elle jouait Andromaque quand Sarah Bernhardt jouait Hermione. Et elle n'aimait pas Sarah Bernhardt. du tout, à qui elle ne donnait que du culot uniquement. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait senti Moreno à travers Marcel Schwab, avec qui elle vivait, puisqu'ils avaient un salon, et à travers Mallarmé surtout, car Mallarmé avait beaucoup parlé avec Moreno de Racine et des représentations des pièces raciniennes. Et déjà à cette époque, il y avait déjà une révolte, peut-être une impossibilité, mais une révolte contre le style, disons, romantique. En gros, le style romantique de Sarah Bernhardt et ensuite, si j'ose dire, de ses continuateurs et continuatrices. Il y avait donc là déjà, grâce à Mallarmé en fait, et à Schwab et à Moreno, déjà quelque chose qui, dans l'histoire du théâtre, de la mise en scène racinienne, il y avait déjà quelque chose. Ça n'est pas né, notre inquiétude devant Racine n'est pas née comme ça, uniquement en raison d'un contexte purement idéologique, à mon avis. Là, le second point où j'interviens plus directement, c'est quand Jean-Pierre Miquel m'a demandé de monter Racine, il m'a dit « c'est pour l'Odéon ». J'ai cru, moi en tout cas, entendre « c'est pour l'Odéon ». Et je lui ai dit « non, ça pour l'Odéon, non ». Et après, j'ai compris que c'était le petit Odéon, c'est pourquoi j'ai dit oui. Car en effet, j'ai monté de Racine, Phèdre et Athalie, et bon, j'ai évolué par rapport à l'expérience que j'ai eue de ces lectures de pièces, et j'ai pensé que Racine, à mes yeux, ne pouvait être entendue et vue que dans un petit cadre, pour des raisons de diction, pour des raisons même de lieu, essentiellement de lieu. Dernière participante de ce débat, mais non la moindre, Michel Hoppenot, vous n'avez jamais joué, vous, Racine, et on peut dire que les expériences de théâtre auxquelles vous avez participé jusqu'à présent, et je pense tout particulièrement aux mises en scène de Patrice Chéreau, par exemple, ne vous prédisposez pas, je l'ai dit tout à l'heure, à jouer Racine et peut-être encore moins Phèdre. Et là, est-ce que vous n'avez souffert d'aucune inhibition? Vous, ça va de soi. J'ai une panique incommensurable. De par le passif qu'il y a sur Racine, sur Phèdre, encore plus précisément, et de par le lieu où on va jouer. Bon, je ne suis pas la seule à être en état de panique, mais je pense qu'il y a un problème qui est tout à fait réel, c'est-à-dire que... Enfin, un des problèmes de Racine, c'est qu'il y a très très peu d'humour dedans. Il faut vraiment... Oui. Chercher très très loin pour en trouver. Oui. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles on a tellement de mal à se tenir très longtemps sur un texte de Racine. Mmh. Et pour laquelle nous-mêmes, on a beaucoup de mal à trouver une certaine détente aussi. Est-ce que vous aviez vu la représentation que Michel Hermont avait donnée de Britannicus? Hélas, non. Oui, alors je dois dire tout de suite que je regrette que Michel Hermont n'ait pas pu venir aujourd'hui, parce que cette représentation, qui était très remarquable, mais elle était remarquable au sens le plus fort du mot, en ce sens qu'elle était entièrement différente de tout ce que nous avions pu voir jusqu'alors. Pour simplifier, je dirais que la mise en scène de Michel Hermont, qui avait été donné, son spectacle avait été donné en 1968, c'est que, évidemment, ça n'était pas tout à fait le moment de jouer Racine, et sa mise en scène, qui était celle d'un théâtre en rond, se rapprochait à beaucoup d'égards des mises en scène de Grotowski, c'est-à-dire qu'elle jouait sur une sorte de violence à la fois verbale et gestuelle, et qu'il ne s'agissait pas du tout d'un spectacle racinien au sens propre, au sens habituel du mot. Est-ce que dans ce qu'il va faire maintenant, est-ce qu'il va recommencer ce qu'il avait fait avec la mise en scène de Britannicus? Nous sommes en pleine répétition, donc on ne peut pas encore prévoir où nous allons aller. Mais ne serait-ce que pour se dégager de cette espèce de passé écrasant, on essaie de s'engager très très physiquement dans la chose. La Paris est vite à la. La Paris est vite à la. La Paris est vite à la. La Paris est vite à la. Jean-Paul Roussillon, vous avez dit tout à l'heure que vous vous heurtiez déjà à certaines difficultés, c'est-à-dire le travail des comédiens, le travail des tragédiens, leur apprendre, si j'ai bien compris, à se dégager de certaines influences ou de certaines croyances quant à la tragédie. Alors, je veux dire, quand vous avez préparé cet Andromaque, est-ce que vous avez été obligé, avec vos comédiens, est-ce que vous avez été obligé vraiment de les faire partir à zéro ? Bien, c'est-à-dire, oui, ils sont partis à zéro comme moi je suis parti à zéro. On a voulu essayer, au départ tout au moins, d'essayer de remettre ces gens qui sont des rois, des princes, essayer de les mettre vraiment comme des caractères et des gens tout à fait par terre. Tout à fait, et d'essayer de former leur caractère, d'essayer de savoir pourquoi ils pouvaient dire une chose comme ça, pourquoi ils étaient, d'essayer de ressortir un petit peu tous les caractères des personnages. Nous avons essayé ça, nous avons commencé à faire un premier travail avec eux qui était, si vous voulez, aussi physique, qui était même, ce qui est peut-être un crime, de ne pas penser même au vers, de ne pas penser aux problèmes de diction, pour essayer simplement d'arriver à ressortir ces caractères de personnages. Et ensuite, nous avons été petit à petit, et sûrement un peu trop vite, à essayer de faire une synthèse de tout ça, pour essayer que les gens gardent en eux tout ce que l'on avait pensé, parlé, la nécessité après de dire ces mots, l'envie de les dire, et après sous une certaine forme d'oratorio. Est-ce que vous avez lu le livre de Roland Barthes sur Racine ? Ah, je l'ai lu, oui, l'ai lu après. Parce que là, tout de même, en parlant, vous soulevez un problème que Roland Barthes a soulevé dans son livre et qui me paraît très important. Et à propos des difficultés, justement, de représenter Racine, il fait une distinction très grande. Il dit que Racine est en quelque sorte en porte-à-faux, puisqu'il joue à la fois sur la psychologie et sur la notion de tragique qui est étrangère à la psychologie. Or, vous venez de dire jusqu'à présent, jusqu'ici justement, et un peu Michel Opneau tout à l'heure l'a dit aussi, qu'il avait fallu préparer les gens à entrer dans le caractère des personnages. Et ça, est-ce que ça n'est pas, Roland Barthes, est-ce que ça n'est pas une notion que vous avez dénoncée ? Est-ce que ça n'est pas un peu dangereux, cette psychologie, cet élément psychologique ? Ben oui, ça c'est vrai. Moi je suis opposé à ça. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit ça auquel... Non, le résultat Roussillon auquel, d'ailleurs, a pensé, disons. Oui. Il faut s'entendre sur les termes. Mais je crois que ce qui est intéressant, d'ailleurs je puis témoigner puisque j'ai vu le spectacle de Roussillon, n'est-ce pas ? Qui est un spectacle, du moins celui que j'ai vu, parce que je crois que... Il y a une sorte de tour, enfin, entre les acteurs. Alors, le soir où j'ai vu cela, disons, il y avait deux styles d'acteurs. Il y avait d'une part Oreste, qui jouait d'une façon, je dirais, très paradoxale par rapport à la tradition, d'une façon nullement psychologique, nullement expressive. Et puis, il y avait les autres acteurs qui, effectivement, représentaient davantage des passions et des caractères. Mais je crois que pour en revenir à l'opposition que vous avez soulignée, Guy Dumur, entre le psychologisme, j'aimerais mieux dire le psychologisme plutôt que la psychologie, parce que la psychologie... Il n'est pas sûr qu'on puisse s'en passer, n'est-ce pas ? Il y a toujours une psyché humaine, bien sûr. Mais le psychologisme, d'une part, et le tragisme, d'autre part, alors à mon avis, bien sûr, je ne suis pas homme de théâtre, mais à mon avis, le tragisme, c'est une question de diction. C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend du type de diction, du style de diction qui est choisi. Voilà. Et par conséquent, à mon avis, les recherches concernant le théâtre racinien ne peuvent porter en tant que recherche, en tant qu'expérience moderne, actuelle, que sur des types de diction. J'entends par diction, non pas du tout le fait banal de plus ou moins bien prononcer les mots, mais disons le type de phrasé qu'on donne au texte racinien. Et... Si vous voulez, je me permettrai de faire distinguer trois types de phrasés possibles qui permettent justement assez bien de classer les types d'interprétation, c'est pas du théâtre racinien. Il y a d'une part, disons, ce qu'on a un phrasé, c'est-à-dire une manière de moduler la phrase racinienne, de placer ses respirations. Il y a d'abord un phrasé que j'appellerai sémantique, parce que c'est un phrasé qui suit le sens, la logique du sens, la logique du message, du contenu. Alors, en général, les acteurs, traditionnellement, respectent ce phrasé, n'est-ce pas, pour faire passer un message qui, effectivement, ordinairement, est psychologique ou passionnel. Il y a un second type de phrasé, alors, qui est le phrasé purement métrique, c'est-à-dire la coupe de l'alexandrin, le rythme de l'alexandrin, avec toutes les subtilités, les nuances qu'on peut introduire dans ce rythme. Et alors, troisièmement, il y a un troisième phrasé qui est plus énigmatique, mais que pour ma part, je pense avoir trouvé dans l'interprétation d'Oreste à laquelle j'ai assisté, que j'appellerais un phrasé purement corporel ou purement vocal, qui donc n'est pas un phrasé de l'alexandrin, qui n'est pas non plus un phrasé du sens, qui au début déconcerte beaucoup, puisque le maître, enfin l'alexandrin, est débité, haché et découpé d'une façon très inattendue, qui ne correspond ni au découpage du sens, ni au découpage de l'alexandrin, mais qui, une fois qu'on s'est accoutumé, par une sorte d'incantation, car en fait c'est un phrasé incantatoire, voyez-vous, je cherchais le mot, c'est un phrasé incantatoire, par une sorte d'incantation, finit par subjuguer et par fasciner. J'ai été très fasciné par cette interprétation d'Oreste. Je crois que cela tourne selon les soirs. Ah oui. Alors, disons qu'un théâtre, une mise en scène qui mettrait l'accent uniquement sur le phrasé sémantique, le phrasé du sens, donnerait un Racine très réaliste. C'est-à-dire qui vraiment mettrait l'accent sur le contenu psychologique passionnel, l'échange des rapports passionnels entre les êtres, etc. Je pense qu'il y a eu des tentatives de ce genre. Je me rappelle avoir entendu dire que Suzanne Després, qui était la compagne de l'Uniepo, représentait Racine, n'est-ce pas, ou jouait Racine d'une façon extrêmement réaliste, en essayant justement de casser l'espèce de coque de gangue de l'alexandrin, qui est un vers, à vrai dire, à première vue ou à première audition, très monotone, n'est-ce pas? Alors, il y a donc un autre phrasé possible, qui est le phrasé de l'alexandrin, qui serait donc une diction très chantée, à la fois très musical, très mesuré, métrique et mesuré, c'est la même chose, et je pense qu'il y a eu des interprétations de ce type-là. Je pense notamment, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai écrit, à l'interprétation d'Alain Cuny dans, au TNP du temps de Villard, n'est-ce pas, dans le rôle de Thésée, qui, à mon avis, était une diction essentiellement musicale et qui, par là même, alors, on pouvait dire que c'était une interprétation tragique, dans un certain sens, voyez-vous, plus tragique que psychologique. Mais, je le répète, j'étais très impressionné par cette nouvelle tentative de ce jeune acteur que j'ai vu, qui, au début, déconcerte beaucoup. On se demande pourquoi il fait cela. Si uniquement pour aller contre la tradition, alors à ce moment-là, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais très vite, on est pris par une sorte d'incantation. La voix prend une sorte de densité, de pulpe corporelle. Hein, et alors là, on est transporté, évidemment, dans un monde qui n'est plus du tout psychologique et qui n'est presque plus culturel, sans être du tout provocant. C'est une sorte de diction qui reste extérieurement assez intimiste, pas sans éclat, mais où c'est vraiment la voix en tant qu'elle dit des mots et des sens, mais très loin derrière les mots, c'est cette voix que on perçoit. Vous aviez dit dans votre livre sur Racine, à propos de cette diction racinienne, vous disiez, à la limite j'imagine, l'alexandrin dispense l'acteur d'avoir du talent. Oui. Oui, parce que disons, ce sont des codes. J'ai parlé de phrasé, enfin en termes un peu pédants, on dirait qu'il s'agit de codes. L'acteur suit une sorte de code une fois qu'il l'a choisi. Alors il y a un code expressif, un code de l'expressivité, et puis il y a un code musical. De même que je crois que pour être un très bon musicien, il suffit en quelque sorte de, comment dirais-je, de... Il n'est pas nécessaire d'avoir une passion forte en soi ou une âme d'élite, une âme exceptionnelle, n'est-ce pas? Il suffit simplement de respecter, de suivre le code de la musique, le code du mouvement musical. Vous me faites penser aux mots que l'on répète de Lully, disant à ses chanteurs, si vous voulez savoir comment chanter, allez écouter les acteurs de Racine, les tragédiens de Racine. Voilà, ce qui prouverait qu'à l'époque, les Alexandrins étaient en tout cas chantés. Ah, je suis persuadé, d'ailleurs je crois qu'il y a des travaux là-dessus, n'est-ce pas? Justement, ce qui est très intéressant dans l'histoire de la diction, disons, de la dramaturgie de l'acteur, c'est que précisément, le style de Racine auquel nous sommes habitués et que je définissais comme une sorte de surmoi terrible, est un style, effectivement, ou romantique, comme disait Jean Gilibert, mais romantique au sens large du terme, disons réaliste romantique, naturaliste, je ne sais pas comment dire. C'est un style qui, probablement, a commencé, je ne veux pas faire d'histoire des idées faciles ou d'histoire politique facile, mais effectivement, ça a commencé avec l'installation de la bourgeoisie dans la culture et dans le pouvoir culturel, c'est-à-dire sous Napoléon, enfin au début du XIXe siècle. C'est à ce moment-là que les choses ont changé. Et si vous me permettez d'ailleurs de vous citer, vous disiez à l'époque, lorsque vous avez écrit votre livre, il y a une dizaine d'années maintenant, vous disiez que justement cet art bourgeois était un art du détail, c'est-à-dire qu'on éprouvait le besoin que l'art bourgeois voulait expliquer au public, que le public était considéré un peu comme en état d'enfance, oui, et que l'acteur était chargé de lui expliquer, qu'il fallait à tout prix expliquer au public. En additionnant des détails, en additionnant des clartés. Tandis que l'art tragique, semble-t-il, s'oppose, justement, procède, vous l'avez dit vous-même, par masse. Absolument, c'est un art du sens par grande masse. Et Jean Gilibert, est-ce que c'est comme ça que vous concevez la mise en scène et la diction racinienne ? Oui, tout à fait. Mais je dirais que je ne la considère pas que pour Racine. Je la considère pour toute œuvre poétique, enfin au sens large du mot, si j'ose dire, car poésie a toujours un sens large, pour toute œuvre, pour toute œuvre théâtrale qui est dite et jouée et dans les conditions où l'art théâtral opère. Alors je crois que ce qui est grevé à propos de la diction racinienne, c'est en effet toute une idéologie. Barthes, dans son livre, a beaucoup insisté, ça je le rejoins entièrement. Le problème, c'est à la fois un mélange d'emphase et de prosaïsme. Mais je crois que... Je voudrais revenir à votre première question, en ne quittant pas celle-ci, à laquelle je n'ai pas bien répondu, votre première question. Moi, je crois qu'en effet, que Racine me paraît, à mon avis, être très moderne. Bien sûr, je suis baroque, et je vis plus facilement dans le baroque, et nous sommes plus à l'aise dans Shakespeare. Mais au prix de quelles limites et au prix de quelle incompréhension ? Ceci est un autre problème. Mais je crois qu'il y a une modernité dans Racine qui est peut-être plus grande qu'on oserait se l'avouer. Un esprit de modernité au sens où Baudelaire l'entendait. Car c'est bien vrai que la rhétorique passionnelle des amoureux raciniens ne nous concerne plus. Mais peut-être ce qui nous concerne, c'est l'interrogation, je dirais pas métaphysique, mais l'interrogation angoissée devant le néant et devant la manipulation par une extériorité qui est là et qui est quelque chose moi, qui me paraît très important et qui m'a fasciné dans les racines que j'ai montées, et plus particulièrement dans Bajazet, parce que là c'était le problème. Moi je crois que Bajazet est une pièce pas du tout contemporaine, en rien, très loin de nous, mais moderne dans l'esprit de modernité qu'elle vecte, à savoir la manipulation par un pouvoir et d'un pouvoir politique en son fait et en son essence, mais aussi une psyché manipulée. Ce qui est quand même, j'étais très content d'entendre Roland Barthes dire qu'on ne peut pas oublier la psyché humaine et qu'il s'agit pas, que la psychologie n'est pas, ne peut pas être codifiée immédiatement avec ce qui s'appelle les aventures de la psyché. Alors il y a là dans Bajazet quelque chose d'incontestable sur la manipulation qui est faite, mais pas que dans Bajazet, dans les autres pièces, mais plus particulièrement dans Bajazet, dont on se demande d'ailleurs si c'est une pièce tragique, en fait. Il y a une question qui se pose. Peut-être n'est-elle que cela, je ne sais pas. Par exemple, Gracq la voit comme une pièce essentiellement tragique, moi pas. Pour moi, je la vois pré-sadienne. Je ne dis pas sadique, je dis pré-sadienne. Il y a un pré-sadien dans Racine qui me paraît, moi, très moderne. Très, très moderne dans... ce goût de l'ennui, au sens large du mot, dans la question de l'anéantissement de la psyché humaine, dans le vide, dans toute cette espèce de délectation morose de l'après-sexualité. Car il n'y a rien de moins sensuel, il n'y a rien de moins sexuel que Racine, au sens où nous l'entendons sensuel peut-être pas, mais sexuel certainement, puisque vous avez employé tout à l'heure l'épithète de sadien. il me semble quand même que ça tourne beaucoup autour de la sexualité, enfin, alors spécialement là, Balthazar. Vous m'avez tenté de me faire parler en psychanalyste. Vous savez que je ne l'aime pas beaucoup et que je n'aime pas beaucoup faire inférer toutes ces choses, mais il n'empêche plus de l'ordre de la mort et du mortuaire, plus exactement. Est-ce que ce mortuaire n'est pas lié à la sexualité ? Secondairement, il peut être... il tente d'être revivifié par la sexualité, mais en son fond, le lieu racinien, c'est banal ce que je dis, ça a été dit par beaucoup de gens, et à juste titre, je crois, c'est un lieu mortuaire. Et c'est peut-être ça ce que Racine nous montre. Et c'est en quoi, moi, je trouve qu'il a un esprit de modernité, à travers des tas de codes de son époque, de son siècle, mais Racine s'absente de son époque. C'est ça ce qu'on oublie, bien sûr. C'est ni Pradon, ni Daubigny, ni Rapin, il s'absente de son époque, comme fait tout. C'est ce écrivain. Qu'on appelle le génie, peut-être. Je ne sais pas. Le génie, c'est un mot dangereux à utiliser, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il rejoint des zones par les dimensions de son écriture. Il rejoint des zones où notre époque moderne peut s'interroger. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse, et plus particulièrement dans Bajazet. Et quant à la diction, bien sûr, mais je crois que c'est là un problème de toute diction, toute diction poétique. Toute diction est poétique, en fait. Toute diction poétique au théâtre doit retrouver une source, et non pas, comme disait Barthes, une diction sémantique, mais une diction tragique, c'est-à-dire doit retrouver la source même où le sens n'a plus à voir. Et le sens est loin, ou alors très près, ou très proche, ou très loin, ce qui est peut-être la même chose. Mais c'est ça, moi, tout mon engagement dans le théâtre, j'ai tenté de circonscrire cette zone-là. Je ne suis pas toujours arrivé, mais enfin, c'est mon propos, c'est mon projet. Et comment ça va se traduire dans votre mise en scène ? Alors, écoutez, vous me posez une question difficile, à laquelle je réponds difficilement, parce que vous savez, je ne vois pas très clair, je suis au tableau noir pour le moment. Et étant au tableau noir, je vois les difficultés comme ça, puis certaines que je crois avoir résolues, et d'autres, je ne sais pas encore. Ça paraît comme ça, un peu paradoxal. Oui, mais enfin, tout de même, est-ce que ça se représentera ? Jusqu'à présent, nous avons pris certaines habitudes de voir jouer Racine, avec très peu d'exceptions. J'ai cité tout à l'heure l'exception de Michel Hermont montant Britannicus. Il y a maintenant celle de Jean-Paul Roussillon, qui nous a présenté un Andromaque extrêmement statique, où les gens récitent, apparaissent et disparaissent comme dans des sortes de trappes, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, c'est-à-dire une représentation abstraite. Est-ce que votre représentation sera aussi abstraite, ou au contraire, est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure le baroque, vous êtes quelqu'un, tout de même vous avez monté la pièce la plus baroque peut-être de toute l'histoire du théâtre contemporain, qui était la Célestine, eh bien est-ce que votre mise en scène se rapprochera du baroque ou au contraire de l'abstraction ? Non, je crois qu'il y a peut-être alors là une fonction idéologique, je crois qu'elle irait vers l'abstraction lyrique, si vous voulez, pour donner une note, mais c'est très curieux, en tout cas dans Bajazet, je ne parle que d'expérience, on sent Racine mal à l'aise avec beaucoup de données de sa pièce. Par moment, ça pourrait aller vers le théâtre élisabétain, et ça n'y va pas, pour des raisons que je ne peux pas analyser, ce serait trop long ici, mais par moment on le sent pris par un tel goût d'un banquet de la mort sauvage, par une telle fureur du sang, de l'étouffement, et du sadisme au sens sadien du mot, il contourne. Et il revient à une stylisation certainement excessive. Mais alors moi j'ai tenté de jouer sur les deux choses, oui, et de montrer qu'il y avait un hiatus, une aporie entre les catégories de langage et les catégories de pensée, parce qu'elles ne coïncident pas, chez Racine en tout cas. Il n'y a jamais de moment heureux dans Racine. Il n'y a pas en tout cas dans Bajazet, il n'y a jamais de conversion, et comme disait Saint Paul, il n'y a pas de métanoïa, il n'y a jamais. Pas dans Bajazet. Dans Bérénice, il y a, mais pas dans Bajazet. Ce qui est une pièce, à mon avis, très singulière. On dit que c'est une mauvaise pièce, enfin la littérature le dit. Je crois que c'est une pièce étrange qui pose aux hommes de théâtre, enfin aux gens qui s'intéressent à l'œuvre, beaucoup de problèmes, dont je ne suis pas sûr que je les ai résolus tous, loin de là. Mais enfin, elle pose des problèmes, à mon avis, fascinants et excitants. Et Michel Hopneau, tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'approche physique des personnages de Racine. Est-ce que cela veut dire que vous allez être soumis à une gesticulation particulière, esthétique, formaliste et contrastant avec les gestes qu'on est habitué de voir au théâtre? Oui, oui, sûrement. Mais qui est très assujetti au lieu, dans la mesure où ce lieu est tout petit, où le moindre mouvement prend une ampleur énorme. Non, je vous dis, en tout cas, c'est actuellement on en est là. Je ne sais pas où on en sera le 20 mars, date à laquelle il va falloir rendre des comptes. Mais pour l'instant, tout ce travail physique, toute cette gestuelle, comme vous appelez, nous permet de travailler sur des lignes de force et non pas sur un mot, sur un sens d'un mot, et d'oublier un peu la façon qu'on peut avoir d'être contraint par cette écriture. Oui, mais néanmoins, cette écriture, par exemple, je me rappelle, je me réfère toujours à cette mise en scène de Michel Hermon, l'écriture était malgré tout très respectée, en particulier le rythme de l'Alexandrin. Hein. Ça n'est pas exclu du tout, disons qu'on en est à une première étape de travail qui est ne pas se laisser entraîner par cette musique, comme je ne sais plus qui a dit, mâchonner, rabâchonner depuis qu'on est tout petit et à laquelle on aimerait bien échapper. Mais Jean-Paul Roussillon, par exemple, vous n'avez pas essayé d'échapper à ces problèmes musicaux, enfin, ce problème d'une diction comme ça, pure. Non. Nous n'avons pas essayé. Nous avons des problèmes, bien entendu. Nous sommes à la Comédie-Française, avec joie, mais nous avons des problèmes. C'est-à-dire, si vous voulez, certains problèmes, et qui peuvent être aussi en même temps agréables. Il y a les problèmes, par exemple, que dans la distribution que nous avons avec 8 personnages, il y a beaucoup dans ces 8 personnages des gens qui ont joué déjà certains rôles. Il y a des gens qui peuvent arriver, si vous voulez, plus purs que nous, au point de vue oreille, au point de vue que Racine. Nous avons beaucoup de choses, et du conservatoire, que je ne néglige pas, mais enfin, nous avons entendu ça tellement, tellement, tellement. Nous l'entendons tellement. Des acteurs ont été obligés de le rejouer. Nous avons trop de choses dans la tête, comme je pense tous les acteurs à des titres différents. Mais nous, vis-à-vis de ces textes-là, peut-être, je suis pas très gentil, mais peut-être des tics, peut-être des habitudes. Alors, si vous voulez, il y a presque un travail qui devrait être expérimental, nous, à faire vraiment le contraire, ce qui ne pourrait pas être compris par des spectateurs. Mais nous avons besoin, nous personnellement déjà, d'un nettoyage intérieur. Nous avons évoqué à plusieurs reprises Petit Odéon, c'est-à-dire une petite salle, et au début, j'ai eu le tort d'ailleurs, je me rends compte à présent, de regretter que ces représentations, ce cycle racinien, soient données dans une si petite salle. Et puis, Jean Gilibert nous a laissé entendre qu'il était assez satisfait de ce petit espace. Michel Hopneau nous a parlé aussi des contraintes que leur imposait, qu'imposait à Michel Hermon, à sa troupe, ce petit espace. Quant à Jean-Paul Roussillon, il a considéré ce travail comme une expérience et qui, semble-t-il, ne pouvait être tenté en dehors de cette petite scène. Et là-dessus, sur le lieu racinien, il me semble que Roland Barthes a beaucoup de choses à dire. Il a beaucoup parlé de ce lieu, qui était pour lui le lieu tragique par excellence. Et c'est-à-dire, je recite encore, le monde de la chambre, de l'antichambre, et puis un monde extérieur, un monde extérieur qui est celui de la non-tragédie, mais qui est à la fois rassurant et tantôt menaçant, qui est le monde de la mort, puisque ça n'est pas par hasard que les morts, tout à l'heure, Jean Gilibert a dit que dans Bajazé, Racine avait peut-être été tenté par une autre forme de théâtre, le théâtre élisabétain, c'est-à-dire un théâtre de mort violente, mais il ne montre rien sur la scène. On sait que c'était les lois, ou soi-disant les lois du théâtre de l'époque, auxquelles Racine s'est plié, et de ces lois, il a tiré des effets tout à fait surprenants et que Roland Barthes avait mis très bien en valeur dans son livre sur Racine. Je n'ai pas trop mal exprimé ce que vous disiez à propos de ce lieu spécifique de la tragédie racinienne. Non, vous l'avez si bien exprimé que je ne sais plus que dire. Je dirais, je vais vous répéter, je vais vous redoubler. Je ne faisais que moi vous citer. Je vais redoubler. Disons qu'effectivement, il me semble que le lieu racinien, son intérêt, c'est qu'il est ce que j'appellerais maintenant, alors je vais employer un mot nouveau par rapport à ses écrits anciens, disons un lieu indirect. Et c'est pour ça que c'est un lieu menaçant. N'est-ce pas ? La menace, c'est toujours quelque chose d'indirect. Et c'est un lieu indirect, bon, c'est un lieu fermé, chacun sait cela, c'est un lieu indirect parce que justement, la scène à laquelle nous assistons se passe presque toujours, je crois, dans, disons, ce qu'on appelle une antichambre, n'est-ce pas ? Comme s'il y avait au-delà de cette antichambre un cœur, un lieu qui est au cœur de l'action, ou au cœur du pouvoir, ou au cœur de la domination, ou au cœur de l'oppression, ou au cœur de la mort, mais que nous ne voyons jamais. Et c'est cette présence, n'est-ce pas, comme disons dans des spectacles terrifiques, c'est toujours ce qu'on ne voit pas, mais qui est là, qui est derrière le mur, derrière le voile, c'est cela qui menace et qui fait peur. Et puis alors aussi, c'est un lieu indirect par rapport alors à cet énorme extérieur qui entoure toujours, et ça c'est même l'une des grandes réussites alors textuelles de Racine, c'est que dans le texte de Racine passent toujours comme des effluves ou des fantasmes ou des rêves un extérieur très aéré, disons, une grande nature. N'est-ce pas ? Dans Bajazé, il y a la mer, c'est vraiment une pièce maritime, même s'il n'y a que quelques notations, la mer est là, elle a une présence extraordinaire. Dans Phèdre également. Dans Phèdre aussi, enfin disons aussi, il y a la mer, enfin il y a tout le monde de Thésée, enfin ce qui est le lointain de Thésée, qui est tout de même une grande nature et même une surnature, n'est-ce pas ? Et dans Andromaque, alors, il y a toute la Grèce troyenne, des noms de pays, n'est-ce pas ? Il suffit de faire passer un nom de pays pour que le lieu s'ouvre fantasmatiquement. Le seul fait de dire les pires, même dans une époque, disons, de grand tourisme, tout le monde, ça fait penser, bon, à la Grèce, à la Yougoslavie. Enfin, il y a quelque chose qui passe de l'extérieur, n'est-ce pas ? Et donc, c'est cela qui donne, à mon avis, cette sorte de saveur extraordinaire au lieu racinien. Donc, par là même, c'est dire, d'après ce que je dis, que le fait qu'on joue Racine sur une petite scène, et une scène qui est, par définition, par technique même, disons étouffée, étroite, à la fois un peu lointaine, au fond de la salle est un peu comme un couloir, il faut bien le dire, n'est-ce pas ? Et au bout, il y a cette scène qui est étroite, qui n'a pas beaucoup de profondeur, qui est petite, eh bien, ça donne évidemment quelque chose d'assez angoissant. La thématique nous dit bien, n'est-ce pas, qu'un couloir, c'est toujours angoissant, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a au bout. Jean Gilibert, vous vouliez dire oui, quelque chose ? Je voudrais dire quelque chose, où je suis en accord avec Roland et d'autres où je ne suis pas tout à fait en accord avec lui. Sur le lieu couloir, tout à fait, c'est le mot que j'ai utilisé sur même la scène en tant que lieu couloir. Lieu de passage. Lieu de passage, et donnant sur des couloirs. Je voudrais simplement rappeler que dans Bajazé, Athalide se tue en scène. Oui. N'est-ce pas ? Alors que dans Phèdre, elle arrive mourante en scène, elle s'est empoisonnée avant d'entrer en scène. Tandis que là, dans Bajazé, elle se tue en scène, ce qui est déjà particulier. C'est vrai. Ensuite, ce que je voulais dire, moi, pour moi, le lieu, je ne suis pas sûr qu'il soit si fermé et si clos qu'on l'ait dit. C'est un lieu nul, au sens où Mallarmé entendait ce mot, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et dans Bajazé, en tout cas, dans Phèdre, c'est plus clair, dans la mesure où il y a un sacrifice de quelqu'un pour que le jour et que l'aube paraissent, pour que le jour naisse, qu'il y ait une transmutation de la nuit en jour. Bon, c'est les derniers vers de Phèdre. Dans Bajazé, il n'y a pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Ce lieu est encore plus nul qu'on semblerait le croire, et même à Coma, qui se réserve la mer et l'ouverture sur la mer, et qui est de ce fait un personnage poétique, donc comme s'il y avait une évasion poétique possible, même ce lieu-là est annulé. Et cela, c'est important, car dès le départ, on sait que le sultan Amurra, c'est-à-dire le pouvoir manipulateur, détruira le lieu qui a été choisi dans son sérail par Roxane. Il le détruira. Ce qui est quand même singulier, qui me semble ne pas avoir été relevé. Ce lieu va disparaître, il ne va plus y avoir que des cendres. C'est une civilisation de fin de race perdue. Et ça, c'est quelque chose dans cette angoisse, je ne vois pas d'autre mot, qui me paraît, moi, encore une fois, très moderne. Jean-Paul Roussillon, vous avez pensé aussi à un lieu nul en mettant votre dispositif scénique. Oui, bien sûr. Et on a essayé de... Oui, pour aider aussi les acteurs à se servir des couloirs, enfin qui pour nous veulent représenter un peu les couloirs de la passion et les gens cloisonnés dans leur passion et la solitude des gens passionnés. Eh bien, j'espère que ce cycle racinien donnera à beaucoup de gens le goût à nouveau d'écouter Racine, dont on nous a dit ici que c'était un auteur qui pouvait être un auteur moderne. Et pour me référer encore à ce livre de Barthes qui est tout à fait inépuisable, je rappelle que Barthes lui-même a dit que cet auteur qui nous paraissait si éloigné et qui traitait de passions, de problèmes, si éloigné de nous, était l'auteur qui avait tenté le plus la critique contemporaine. Et il citait aussi bien les marxistes comme Lucien Goldman, les psychanalystes comme Charles Moron, et lui-même qui est, je ne sais pas quoi, Roland Barthes, enfin qui est sémiologue, disons, en tout cas amoureux des formes, et qui a fait la synthèse un peu dans son livre sur Racine, la synthèse de tous ses travaux antérieurs. Et alors, de telle sorte qu'on devrait passer, que ce cycle de représentation devrait nous permettre de passer du stade théorique de l'étude de Racine à une véritable approche théâtrale, à une nouvelle approche théâtrale de Racine. Et dans ce sens, je crois que cette tentative du Petit Odéon méritait d'être soulignée et évidemment encouragée. C'était Mise en scène, cycle Racine au Petit Odéon, une émission proposée par Guy Dumur, diffusée la première fois le 10 février 1974 sur France Culture, avec Jean-Paul Roussillon, Jean-Gilles Libert, Michel Opneau et Roland Barthes. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.